Nous avons l'intention, en dehors de la petite aventure que ceci représente, d'écrire au fur et à mesure du voyage un livre qui raconterait d'une façon tout à fait littéraire, poétique et humoristique les étapes, événements et expériences divers que va nous offrir sans aucun doute une expédition aussi étrange. Cela s'appellera peut-être Paris-Marseille par petit parking, et bien sûr l'autoroute serait la protagoniste principale. Faire le voyage de Paris à Marseille. Faire le voyage de Paris à Marseille sans quitter l'autoroute une seule fois. 2. Prendre connaissance de chaque parking, à raison de 2 parkings par jour, en passant toujours la nuit dans le deuxième, quel qu'il soit. 3. Faire des relevés scientifiques de chaque parking et prendre note de toute autre observation pertinente. 4. S'inspirant peut-être des récits de voyage des grands explorateurs du passé, écrire le livre de l'expédition. Modalité à déterminer. Les autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Denlop et Julio Cortázar. Épisode 3, voyage et espionnage. Dimanche 30 mai, 11h45, départ, 20 degrés, brise, soleil timide, un rayon de brume. Incertitude. Les panneaux annoncent un hôtel dans le prochain parking, mais il ne figure pas sur nos cartes. 13h20, départ. Le thermomètre marque, waouh, 35 degrés Celsius. Deuxième contact avec la patrouille de secours. 21h. Dîner. Mouche-doigt au cep. Spaghetti à l'huile ou au beurre, enfin selon les goûts. Café. Aller réserver aux voitures. Bois, prairie. Parking plus sauvage que les autres. Beau. Où l'on verra que nos protagonistes ne se laissent pas décourager par les persécutions les plus ignobles et constatera une fois de plus leur inébranlable détermination à mener l'expédition à son terme. Bon ou mauvais parking, tout allait pour le mieux, et l'on s'habituait de plus en plus à l'anonymat et à la liberté totale dans nos bercelles autoroutes. Il suffisait de lancer un petit sourire aux gendarmes qui passaient jeter un coup d'œil à l'occasion. Mais voilà qu'un peu avant Mâcon, alors que nous avions l'impression d'atteindre une vitesse de croisière, où l'autoroute même était devenue une sorte de terre occulte, inaccessible à tout rythme qui ne soit pas le nôtre, voilà qu'ils se sont impatientés et montrés, d'abord timidement, puis en étalant une stratégie qui, pour subtile qu'elle soit, n'en était pas moins transparente. Du moins à nos yeux. Notre sensation de liberté nous avait-elle incité à relâcher nos défenses? Ou bien l'attaque se préparait-elle depuis quelques parkings déjà? Installation sur le parking. Il y a peu d'ombre, le soleil cogne. Et il devient évident quand deux Argentins arrivent et s'installent pour boire leur maté tout près de nous, que l'ennemi a décidé d'adopter des méthodes plus audacieuses. Espèrent-ils que des Argentins sauront déchiffrer mieux que leurs prédécesseurs le vrai secret de ce voyage? Plus de 2 semaines se sont écoulées. Et nous imaginons, non sans un malin plaisir, leur attente et leur déception, à voir que Paris-Marseille n'est pas autre chose que Paris-Marseille. Je peux imaginer les conversations entre le patron et ses agents en fin de journée. Tu sais, sur le ton d'un film policier des années 50. Nothing, boss. What the hell do you mean nothing? Are they not on the other route? Bah, yes, boss. But what the hell are they doing there? Just what they said they would, writing a fucking book. Fuck the bastards. Book. You said a book on the other route, and you expect me to believe that? Well, you know, boss. I know they are nuts, but nobody is that crazy. Get your ass down there and find out what's really going on. Bon, en gros, je te traduis. Bah, rien, patron. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont encore sur l'autoroute ou pas? Bah, oui, patron. Bah, qu'est-ce qu'ils y foutent, nom de Dieu? Bah, exactement ce qu'ils ont dit qu'ils y feraient, patron. Ils écrivent un livre. Mais tu sais se faire foutre un livre sur l'autoroute? Tu crois que je vais avaler ça? Bah, vous savez, patron, je sais qu'ils sont tordus, je sais, mais il y a des limites à tout. Retourne-y tout de suite, bon sang, et tâche de savoir ce qui se trame vraiment. Patron, Je crois que ça les exaspère de pas vraiment comprendre ce qu'on cherche. Peut-être nous croit-il en train de comploter, genre réunion secrète sur l'autoroute. Il y a tant de signes étranges. Depuis le début de notre voyage, on se croirait dans un film d'espionnage. Tiens, la bouteille de faux whisky à l'hôtel, par exemple. Ah, et l'hélicoptère survolant le parking, tu te souviens? Juste au moment où on venait de s'installer. Et cette fille en botte rouge, qui nous croyant sans doute en train de dormir à l'intérieur du dragon, s'est approchée pour le photographier en gros plan. Bah, on dormait. Et je te parle même pas des Anglais, mais tellement, tellement British qu'ils ne pouvaient qu'être déguisés. Ils se sont arrêtés pour faire semblant de réparer quelque chose sur leur remorque. Mais rien à craindre, le loup. Enfin, s'ils sont pas prêts à vivre la même expérience que nous, jamais ils ne trouveront la voie. Oui, puis de toute façon, hein, no pasarán. No pasarán. Ah, comment non? Tiens, écoute. Évidemment, nous ne pouvions être les seuls à nous intéresser à cette autoroute qui nous livre peu à peu ses secrets, nous prend en sympathie comme nous la prenons en sympathie. Sans trop de bruit et sans violence, nous entrons en possession de ses chemins, ses sentiers et ses zones cachées. Tout comme au lit, on peut posséder peu à peu un être aimé par des regards, des caresses, des mots murmurés, qui sont autant de portes et de fenêtres derrière lesquelles il en est d'autres encore, plus douces et plus belles. Et nul ne sait, au bout du compte, qui ouvre la porte, qui est la fenêtre, et qui tient qui entre ses bras. Il en est de même pour l'autoroute. Nous savons qu'en bien des aspects, elle n'est nullement ce que nous imaginions auparavant. Voitures, camions, ambulances passent à toute vitesse et dans une surprenante douceur. Ils sont à la fois autoroute, bitume et véhicule, réunis en un même être qui respire et avance. Nous avons compris à quel point la vraie autoroute n'était pas la première, mais l'autre, la parallèle, dont nous soupçonnions vaguement l'existence depuis des années, mais que nous vivons enfin. Mais bien sûr, il y a les jaloux, les soupçonneux, ceux qui ont envie mais qui n'auraient jamais le courage de faire ça, alors rien ne leur ferait plus plaisir qu'un échec. Et puis, il y a eux, les fameux diables, comme toujours. À présent qu'ils ne peuvent plus capter nos conversations au téléphone resté muet à la maison et dont la sonnerie ne retentit pour personne. Ils doivent être furieux de s'apercevoir que l'organisation scientifique et domestique de l'expédition tourne au rond. Lundi 31 mai, 8h, température 20 degrés Celsius, temps brumeux. 9h15, départ. 9h21, nous sommes à la hauteur de Vézelay, colline éternelle. 15h25, air de Montmorency. Un camion qui semble nous suivre depuis un petit moment se gare à côté de nous. 25 degrés Celsius, Fafner, ouest-sud-ouest. Allez, on se dépêche. Les clés. Non, c'est toi qui les as, les clés. Allez, repli stratégique, là. Hop. 17h30. Orage surprise. Grosse goutte de pluie, malgré le soleil. Très bel arc-en-ciel. Nous nous réfugions à l'intérieur de Fafner. En 20 minutes, le thermomètre passe de 25 degrés à 19 degrés Celsius. Où l'on essaie d'expliquer le bonheur, comme si cela était possible. Une chambre qui se convertit en refuge, en tous les refuges clandestins de l'amour. Fafner s'ouvre comme nous nous ouvrons l'un à l'autre. Il n'est plus cet espace sympathique, mais restreint, où il faut calculer ses gestes pour éviter de se cogner le coude, de donner un coup de pied à l'autre, ou de renverser les œufs ou le transistor. Nous avions déjà constaté plus d'une fois que nos ébats ne le laissaient pas indifférent. Il y a quelques années déjà, nous avons dû mettre sur le compte de sa jeunesse et de son inexpérience le seul faux pas dont nous avons eu connaissance. Cherchant sans doute à vivre les choses de la même façon que nous, Il a fait une telle fête de sa jouissance que la porte arrière s'est ouverte avec fracas. Et nous sommes retrouvés subitement sous les étoiles, au moment le plus inattendu. Tu te souviens, non ? Oui, je m'en souviens. Le dragon a mûri depuis. Et il me semble que les portes ne s'ouvriront plus ainsi sous l'impulsion de la joie. Ce long voyage, où rien ne nous empêche de nous chercher constamment, l'a adouci, agrandi. On ne peut nier qu'il s'emplit, s'étend, s'enfle de désir, nous offrant de la résistance là où nous en cherchons, nous protégeant des regards indiscrets et en même temps se faisant tout mince autour de nous, peut-être pour mieux saisir le moindre frisson de désir qui passe, peut-être aussi pour nous montrer que dans ces conditions-là, l'espace est effectivement sans limite. De la lutte titanesque que livrèrent les explorateurs contre un ennemi dont les armes sont le silence et les pinces. Comme chacun sait, la fourmi est une émouvante bestiole quand on la trouve en train d'évoluer seulette sur la table ou d'escalader le mollet de notre tente. Il faudrait alors être infâme pour s'acharner contre une fourmi qui ne nous mordra que si nous essayons d'écraser sa tête entre deux doigts. Je n'estime rien tant qu'une fourmi. Le seul ennui, c'est que, comme les nazis et les fanatiques de rock, une fourmi n'arrive jamais seule, mais précède toujours des multitudes ravageuses et que le charme de l'individu est noyé dans l'horreur de la masse brute. Exactement ce qui nous est arrivé hier soir. Au moment où nous nous disposions au repos, dans le ventre tiède et accueillant de Fafner, nous avons découvert que les industrieux insectes en question avaient escaladé les pneus et envahi en légions épaisses tous les recoins possibles du dragon. Et tandis que 700 soldats essayaient d'en finir avec une plaque de beurre, plusieurs milliers proliféraient du côté des saucissons, des biscuits salés et des 6 bananes achetées le jour même dans l'espoir de faire un riz à la cubaine. Est-il besoin d'ajouter qu'à peine nous nous étions glissés dans le lit, nous avons senti, dans des zones assez sujettes aux démangeaisons, les tenailles de 5 ou 6 fourmis, indignées de sentir qu'on les délogeait de la blanche steppe où elles erraient. Il nous fut facile de les tuer. À cause du noir sur blanc. Mais ce que nous ne savions pas, c'était la présence latente des légions de réserve, tapis dans les coins les plus reculés du dragon. Et c'est ainsi que vers 3h du matin, en proie à mes insomnies, je découvris que les fourmis avaient amorcé sur la bordure de plastique qui longe la fenêtre de mon côté une longue procession, peut-être religieuse, en tout cas inquiétante, car elles s'acheminaient vers le pied du lit, c'est-à-dire la partie du lit où nous avions nos pieds. J'ai passé 2 heures avec le doigt en l'air, le laissant retomber doucement sur chaque fourmi qui apparaissait à la fenêtre, jusqu'à ce que la procession eût perdu son élan mystique. Le lendemain, nous avons encore découvert plusieurs individus qui avaient complètement perdu leurs allures militaires et se bornaient à tracer par terre, au plafond ou sur les oreillers des hiéroglyphes affolés. La lutte avait été rude. Mais aujourd'hui, presque une semaine plus tard, nous pouvons affirmer que 7 ou 8 fourmis seulement se terrent dans Fafner. Si nous n'avions pas réagi à temps, les gendarmes qui circulent à travers les parkings auraient peut-être eu l'horrible surprise de découvrir nos squelettes. Sans parler du beurre entièrement dévoré. Vendredi 4 juin, 11h34. Nous sommes à la hauteur du parking, qui est effectivement fermé, bien qu'occupé par toute une armée d'hommes vêtus de jaune-orange et s'affairant entre les monticules de gravier. Nous nous voyons donc forcés de passer au parking suivant. À notre surprise, ce parking-ci est l'un des plus beaux que nous ayons vus jusqu'à présent. Superbe station-service, boutique de luxe et des chemins presque intimes qui pénètrent dans un grand bois. Fafner s'y engage avec un instinct qui ne trompe pas. Il n'y a pas que des diables sur la route, mais des anges aussi. J'en ai rencontré un hier, aux toilettes. Comme si c'était un endroit pour les rencontrer. Un pauvre petit ange de sexe féminin, tout blond, de grands yeux ronds, et qui allait désespérément d'un WC à la turque à l'autre, tandis que les petits bras, étendus comme des ailes, tenaient les 2 portes ouvertes. Dis, madame, tu sais comment on fait pipi ? Nostalgie des fonctions terrestres, ou bien les anges accuseraient-ils les mêmes nécessités que nous ? Plutôt que de me lancer dans des explications sur la chose en général, je lui expliquais en quelques mots l'essentiel de l'installation, afin que tout se passe pour le mieux. Tout en me demandant si le blanc plus que blanc des robes des anges se salissait comme le blanc des mortels. Après avoir décidé que oui, peut-être, je lui recommandais de tenir sa robe bien haut. Je me dis qu'il fallait peut-être proposer de l'aider, mais ma pudeur m'en empêcha. Est-il permis de toucher ainsi aux anges ? Ouvrant une des portes de nouveau, elle jeta un long coup d'œil sur la structure du trou, puis secoua la tête. Merci, madame. Mais je préfère aller chercher ma maman. En revenant vers Fafner, je l'ai aperçue de loin, qui essayait de tirer hors d'une voiture immatriculée en Belgique une autre mortelle. Pourquoi envoie-t-on des anges si peu au courant des usages terrestres ? Et pour quelle mission ? Il y a un philosophe indien qui dit « Quand on regarde deux objets séparés et que l'on commence à regarder l'espace entre les deux objets, à un moment donné, on perçoit la réalité. » Les villes peuvent, j'imagine, représenter les deux objets et le trajet entre les deux, le vide qui les sépare. En effet, Paris et Marseille ne sont plus, depuis quelques jours, que les deux pôles abstraits qui permettent de découvrir l'espace qui les sépare et d'y apercevoir, grâce à l'entremise lente et patiente de tous mes sens, une réalité qui nous aurait été impossible d'entrevoir sans avoir en quelque sorte placé hors de notre vue le départ et aussi l'arrivée. Pour nous, Parkingland est une aire de liberté. Si les règles du jeu nous obligent à explorer deux provinces par jour, nous ne sortons pas pour autant du pays. Et notre obligation ne nous empêche pas de sentir que nous ne faisons royalement que ce qui nous chante. Malheureusement, la plupart des gens abordent les parkings avec l'air de celui qui a la vessie pleine ou l'estomac vide. Et cela ne peut remplacer ni l'intelligence ni la sensibilité. Ils pissent, mangent, presque toujours debout, presque toujours des sandwichs, et fuient comme si le parking était plein de scorpions. Les seuls qui soient différents, comme toujours, ce sont les enfants et les chiens. Ils sautent des voitures comme des ressorts multicolores, courent entre les arbres, explorent le royaume, s'émerveillent des herbes et des fleurs, jusqu'à ce qu'un coup de sifflet terrible ou un « Henri !» qui déchire l'air les ramène à leur boîte de conserve où ils rentrent avec la tristesse de toute sardine stockée. Et peu à peu, s'il est vrai qu'écrire est cette expérience érotique que nous avons toujours connue tous les deux, il faudrait commencer aussi à ouvrir les portes de ce livre, sortir de ce tâtonnement, nous décider. Écrire, c'est toujours prendre le risque de tout dire, même et surtout sans le savoir. Et de même qu'une fois qu'on a consenti à l'aventure amoureuse, il ne s'agit pas, alors que l'autre est en train d'ouvrir les draps comme s'il découvrait une grande page blanche et tiède, de dire « mais moi je garde mon slip », de même faudrait-il, si nous avons vraiment décidé d'écrire ce livre, dire tout. Non pas dans le but de tout dire, mais de donner, en écrivant, la liberté au tout. Mardi 8 juin, 11h, départ. 11h02, voilà, saut à gauche. 11h10, aire de crèche. Horreur. Orientation de Fafner, sud, sud-est. Nous nous précipitons vers la seule table à l'ombre, enfin, à peine. Déjeuner. Salade de thon, tomates et oignonnes, abricots, sirop, café. 17h. 49 degrés Celsius au soleil. Combien ? 49. Chaleur crevée. 18h56, étape, aire de Drasse. Nous prenons de l'essence à la grande joie de Fafner qui frétille de toutes ses franges jaunes. 19h12, je fais un bisou à Carole. Orientation de Carole, sud-sud-sud. Orientation de Fafner, nord. Euh, 23h12, pour la première fois, pièces nous sont nécessaires pour effacer les bruits de la nuit. « où l'on assiste à la fin du cauchemar. Tu vois ce que je vois ? Oh, encore le même camion. Mais ils nous lâchent pas depuis hier soir. Les types qui sont descendus, ils sont vraiment bizarres. Faut faire quelque chose. L'heure est grave. Il faut trouver une idée pour nous sortir de ce merdier. Au point où on en est, maintenant qu'ils jouent carte sur table, ben, c'est eux ou nous. Faut passer à l'attaque. Là, entre eux, c'est des espions. Y a pas le choix, faut qu'on aille les rencontrer. Et leur dire la vérité. Bah, ils nous croiront pas et ils nous ficheront la paix. Tu crois ? Mais qui pourrait croire que pour écrire ce Paris-Marseille, nous vivons sur l'autoroute depuis le 23 mai. Et ils nous croiront fous, louches ou pire. Et en plus, c'est illégal. Ok, bon, j'y vais. Ok, hey, je te cours. Bonjour. Je crois qu'on se suit depuis quelques jours. Oui, oui, oui. Oui, nous faisons un livre sur l'autoroute. C'est pour ça que nous passons tant de temps dans les parkings. Nous sommes sur l'autoroute presque tous les jours. Et c'est intéressant. On voit beaucoup de choses quand on se donne le temps de regarder un peu différemment. Et vous permettez que je prenne une photo de vous avec vos copains ? Bah, ouais, les gars, photo. Parce que on essaie de se documenter le plus possible. Ok, comme ça ? Ok. Oui, ouais, c'est ça. Pousse-toi, pousse-toi. Allez. Hop, avec la pelle. Avec la pelle, pousse la pelle. Attends, on ne voit pas là. Si, on vous voit pas. Souris pas, souris pas. C'est parfait. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Ah, on couche les rebords, comme ça. Ici, ça fera des entrées pour les fourgonnettes et pour les voitures d'handicapés. Ah, c'est bien ça. Oui, bah ouais. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, de rien. De rien, madame. Au revoir. Allez, au revoir. Bonne journée. Hein ? Au revoir. Bon courage. Bon voyage. Et tout cela explique pourquoi nous tapons furieusement à la machine, interrompue de temps en temps par l'un ou l'autre des ouvriers. Et en ce moment, il y en a pas mal qui viennent nous poser des questions. Afin de leur prouver que nous sommes en train d'écrire un livre sur l'autoroute. Afin aussi qu'ils ne soupçonnent pas ce que nous sommes vraiment en train de faire. Écrire un livre sur l'autoroute. Chut ! Ne leur dis pas qu'on est en train d'écrire un livre sur l'autoroute. C'était « Les autonautes de la Cosmoroute » ou « Un voyage intemporel Paris-Marseille » de Carole Denlop et Julio Cortázar. Adaptation Leslie Menahem. Avec Bruno Abraham Kremer, Julio Cortázar, Violaine Schwartz, Carole Denlop et Florent Houlier, Norbert Ferrer, Yvon Martin, Werner Kolk, Jonathan Levin, Francky Pain, Yvette Caldas, Scott Clark, Alexandre Giannou, Dimitra Contou, Nathalie Akoun, Philippe Mambon, Luciano Travaglino, Benjamin Porceda, Sonia Mella, Yana Bitnerova, Myrène Astré, Corinne Martin. Bruitage, Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Interprété par Mathieu Beauchat, Virgile Lefebvre, Erwan Ricordo, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Martin Delafosse, Marie Jaworski. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. Remerciements à Daniel Coulon et à son combi Volkswagen. Les autonautes de la Cosmoroute, de Carole Denlop et Julio Cortázar, traduit par Laure Guil-Bataillon et Françoise Campo, a été publié aux éditions Gallimard.